الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc ça sera la première conférence, la première muhadara de l'année inshallah ta'ala. Donc la muhadara du samedi. Donc à partir d'aujourd'hui inshallah, tous les samedis après le maghrib, on fera un cours d'aspect général, c'est-à-dire le sujet il va changer chaque samedi. On essaiera inshallah de traiter un sujet en une fois. Donc on va essayer, parce que j'ai pas l'habitude, ni moi ni les autres, de traiter un sujet en une fois. Et donc les sujets ils seront divers et on va s'alterner entre moi et les autres intervenants. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est le titre, c'est la vie, ou plutôt des aspects de la vie de l'imam Malik, rahimahullah azza wa jal. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet? Premièrement, parce que ça, c'est facile pour quelqu'un d'écouter ce genre de cours. On aime bien écouter l'avis de nos savants, c'est prenant. Et aussi parce qu'avec l'avis des savants, on profite beaucoup de leçons. Parce que parfois, on lit les versets du Coran qui nous donnent des enseignements. On lit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donnent des enseignements. Mais la nature humaine, elle est faite que quand on voit quelqu'un qui les applique, on va plus facilement en prendre leçon que quand on les lit nous-mêmes. Or, ce genre de personnes, c'est des personnes qui sont imprégnées du Coran et imprégnées du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce genre de personnes dont on lit la vie, c'est comme l'application vivante du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une exhortation pour nous. Et leur vie, elle est une exhortation pour nous. Et parce que l'imam Malik, il fait partie de ceux dont le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. » Et dans une autre version, il a rajouté « ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ». Donc il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Les meilleurs gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. » Et dans une autre version, il a dit « puis ceux qui les suivent », une troisième fois. Donc l'imam Malik, lui, il rentre dans quel « ceux qui les suivent » Le 1, le 2 ou le 3? Le 2. C'est-à-dire, c'est pas la génération du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni celle d'après, mais celle d'après. Donc il a rencontré des tabi'in, donc il est un tabi'u tabi'in, un suivant des suiveurs, successeur des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi parce que, comme vous le savez, au Maghreb, c'est-à-dire de la Libye jusqu'au Maroc, et même en Mauritanie et en Afrique noire de l'Ouest, les gens suivent le madhab al-Maliki, c'est-à-dire les fatawa et le fiqh de l'imam Malik. On va dire que c'est le madhab officiel, ou l'école officielle. Et c'est aussi répandu un petit peu en Égypte. Quelle est la cause? Ça, je le dis maintenant parce qu'on ne va pas le voir dans la Sira, parce que moi, j'ai résumé. Quelle est la cause à ça? C'est qu'il y avait beaucoup de tullab, c'est-à-dire des étudiants en sciences religieuses, qui partaient d'Andalousie et du Grand Maghreb pour aller à Médine, apprendre la science. Et parmi eux, une personne qui s'appelait Yahya ibn Yahya al-Laythi. Donc il était une personne d'origine arabe qui vivait en Andalousie, c'est-à-dire en Espagne, à l'époque où l'Espagne elle était musulmane, en tout cas le sud de l'Espagne. Et il avait appris El Muwatta, c'est-à-dire le fameux livre de l'imam Malik, rahimahullah. Il le connaissait par cœur, il l'avait appris en Espagne. Donc il n'avait pas rencontré l'imam Malik. Mais ça ne lui a pas suffi jusqu'à ce qu'il entende le Muwatta de la bouche de l'imam Malik. Donc il a voyagé d'Espagne jusqu'à Médine, pour rencontrer l'imam Malik jusqu'à ce qu'il soit devenu parmi ses élèves. Et il a appris de lui Al-Muwatta, mais il a surtout profité, parce qu'il était à Médine à la fin de la vie de l'imam Malik, et il y a même certains passages du Muwatta qu'il n'a pas entendu, et quand il les a rapportés d'un élève de l'imam Malik. Donc il a profité un peu de l'imam Malik, rahimahullah, et il a entendu le Muwatta de sa bouche, et il a profité surtout des grands élèves de l'imam Malik, qui étaient eux-mêmes des imams et des grands ulamas. Et ensuite, il est revenu donc au Maghreb. Donc, quand on dit le Maghreb, c'est même l'Andalousie, pour enseigner le Muwatta et enseigner les fatawa, c'est-à-dire les avis juridiques et les opinions de l'imam Malik, rahimallah ta'ala. Donc, c'est comme ça que... Le Muwatta, c'est le livre écrit par l'imam Malik dans le hadith. Donc, malheureusement, comme on n'a qu'une heure, je ne ferai pas un passage sur le Muwatta. Peut-être on le fera une autre fois. Là, on va faire que vraiment les aspects de la vie de l'imam Malik, si vraiment, si déjà on commence. Mais on va pas parler de Al-Muwatta, c'est un livre de hadith écrit par l'imam Malik. Donc l'imam Malik, bien sûr, il connaissait des centaines de milliers de hadiths, mais il en a mis que un peu moins de, si je me souviens bien, de 3000 dans son Muwatta, parce que c'est des hadiths qu'il a vraiment choisis parmi tous les hadiths qu'il connaissait, et il le corrigeait régulièrement. D'une année à une autre, il enlevait ou il rajoutait des hadiths dans son Muwatta. Certains, ils ont dit que c'était une demande de certains émirs, certains gouverneurs, de faire un livre de ce genre, et c'est pour ça que l'imam Malik, il a écrit son Muwatta. Donc le Muwatta, c'est son livre. Mais à l'époque, il faut comprendre qu'un livre, à l'époque, c'est pas le cheikh, il écrit un livre et il l'édite, comme maintenant. En fait, il le dicte à ses élèves, et c'est eux qui l'écrivent. Donc ils disent Qala Malik, et ils commencent les chaînes de transmission. Et le Muwatta, il y en a plusieurs. Donc, si à ma connaissance, il y en a 8. Il y a 8 Muwatta de l'imam Malik. Quelle est la cause de ce nombre? Pourquoi il n'y en a pas qu'un? C'est parce que les gens allaient voir l'imam Malik à des périodes différentes. Donc il y en a un qui l'a entendu cette année-ci, et l'autre il l'a entendu cette année-là. Et entre les deux, il pouvait y avoir une modification faite par l'imam Malik lui-même. En fait, il y a plus que 8 Muwatta, voilà, je me souviens maintenant. Mais on va dire que les plus importants, ils sont au nombre de 8. Et d'un Muwatta à l'autre, il peut y avoir presque 100 hadiths de différence. Et le Muwatta, il contient des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais pas seulement. Il contient aussi le fiqh des compagnons du prophète, radiallahu anhum, donc des fatawa, et surtout de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, puisque l'imam Malik, il a pris tout le fiqh d'Abdullah ibn Umar par Nafi', qui était à la base l'esclave d'Ibn Umar, et aussi le fiqh de certains tabi'in. Donc on peut trouver dans le Muwatta des fatawa, par exemple de Saïd ibn al-Musayyib, comme sur le Mahdi ou sur d'autres exemples. Donc ça, c'est le Muwatta. C'est le livre de hadith de l'imam Malik. Et certains de ses élèves y rajoutaient aussi les fatawa de l'imam Malik. Donc on a des hadiths, des athar, des fatawa des tabi'in et parfois qala Malik. L'imam Malik rahimahullah dit, c'est-à-dire sur tel sujet, et l'opinion de l'imam Malik. Donc on va commencer. Donc nasabuhu rahimahullah huwa ahadu al-a'immati al-a'lam wa jahabizati al-islam faqihu al-umma imamu dari al-hijra. Donc ça, c'est son surnom qu'on donne beaucoup à l'imam Malik, imamu Dari al-Hijra, l'imam de la demeure de l'Hégire, c'est-à-dire l'imam de Médine. Ou alors, j'ai entendu beaucoup aussi l'appellation de Nejmus Sunan, l'étoile des Sunan. Abu Abdillah, donc sa kunya c'était Abu Abdillah, Malik ibn Anas ibn Malik, ibn Abi Amir, ibn Amr, ibn al-Harith ibn Ghayman, ibn Ju'ayl, ibn Amr ibn al-Harith, ذي أصبح, ou ذي, c'est ça, ذي أصبح. قبيلة من يعرب ابن يشحب ابن يشجب من قحطان من أكرم القبائل جاهلية وإسلاما. Donc, pour résumer, l'imam Malik rahimahullah azza wa jal s'appelait Malik, fils de Anas. Donc son père s'appelait Anas, son grand-père s'appelait Malik et son arrière-grand-père s'appelait Abu Amir. Donc, comme le cheikh l'a expliqué ici, la tribu de Bani Asbah, c'était une tribu descendant de Ya'rub, de Qahtan, c'est-à-dire les purs arabes du Yémen, parce qu'on sait que les arabes, ils sont divisés en deux, les purs arabes entre guillemets, et parmi eux ceux qui descendent de Qahtan et qui viennent du Yémen, et les arabes arabisés qui sont les descendants d'Ismaïl alayhi salam, puisque Ismaïl lui-même n'était pas un arabe, mais il s'est mélangé aux arabes. Donc lui, l'imam Malik, il faisait partie d'une des plus nobles tribus des arabes qui était Bani Asbah. وأول من أسلم من آبائه أبو عامر واختلف علماء الرجال في صحبته ذكره الذهبي في تجريد الصحابة وقال لم أرى أحدا ذكره في الصحابة وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى القاضي عياض عن القاضي أبي بكر بن العلاء القشيري هو صحابي جليل شهد المغازي كلها خلا بدرا وبه جزم السيوطي. Donc le premier des ancêtres de l'imam Malik à s'être converti à l'islam, c'est son arrière-grand-père Abu Amir. Donc les savants sur la vie des rapporteurs de hadith et des différents hommes de science ont divergé, est-ce que c'est un compagnon ou pas. Donc Al-Zahabi lui disait dans son livre qu'il n'était pas compagnon, alors que d'autres ulama ont rapporté qu'il était un compagnon qui a assisté à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Badr. Et c'est ce qu'a choisi l'imam Suyuti comme avis. Donc que l'arrière-grand-père de l'imam Malik était un sahabi. وجد الإمام وهو مالك بن أبي عامر تابعي بلا خلاف نعم من كبار التابعين مات سنة 74 على الصحيح قاله الزرقاني وكان ممن تولى دفن عثمان رضي الله عنه مختفيا بالليل قال الحافظ وقد صح سماعه من عمر رضي الله عنه. Et là est le grand-père, donc, qui s'appelait Malik, de l'imam Malik, était un tabi'i. Donc là, c'est un des successeurs des compagnons et des grandes générations. Kibar al-tabi'i, c'est-à-dire ceux qui ont rencontré beaucoup de compagnons. La première, on va dire, génération de tabi'i. Parce qu'au sein même des générations, il y a des générations. Mais pas pareil celui qui a rencontré un ou deux sahaba parmi ceux qui ont vécu longtemps parmi les compagnons et ceux qui ont rencontré Omar, Othman et Ali par exemple. Donc lui, son grand-père, il faisait partie notamment de ceux qui ont enterré Othman en étant caché lorsque Othman s'est fait assassiner radiallahu anhu, et il a été authentifié qu'il a entendu Omar ibn al-Khattab. Donc ensuite on va passer à sa naissance. Donc wiladatuhu, la naissance de l'imam Malik rahimahullah azza wa jal. Donc on passe, donc en fait ça c'est un livre tout simplement, c'est pas un travail extraordinaire que j'ai préparé, c'est simplement la biographie de l'imam Malik faite par Salim al-Hilali hafidhahullah dans son tahqiq du Muwatta. Donc il a fait un beau travail où il a réuni la sirah de l'imam Malik, mais moi simplement j'ai choisi d'en lire des passages parce qu'à 90 pages on peut pas tout lire. أما يحيى بن بكير فقال سمعته يقول ولدت سنة 93. Donc après avoir mentionné la divergence sur l'année de naissance de l'imam Malik, il cite que Yahya ibn Bukayr disait j'ai entendu l'imam Malik lui-même dire je suis né l'an 93. Donc l'an 93 à partir de quoi? De l'Hégire. فهذا أصح الأقوال واختاره السمعاني وقال هذا متصل بالسند إلى يحيى بن بكير تلميذ الإمام واختاره ابن فرحون. Donc là, il a cité différents savants comme As-Sam'ani ibn Farhoun qui ont authentifié que c'était l'année 96 qu'est né l'imam Malik, rahimahullah. Maulid al-imam Malik. Ulid al-imamu bil-madinati nabawiyya wa hiya madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa mahjaruhu alladhi hajara ilayhi wa mawtinu al-shar'i wa mab'athu al-nur wa ma'qadu al-hukm al-islami al-awwal wa mahdu al-sunan وموطن الفتاوى المأثورة اجتمع بها الرعي الأول من علماء الصحابة ثم تلاميذهم من بعدهم. Donc l'imam Malik rahimahullah est né dans la ville de Médine, qui est le lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, et qui est le lieu où la révélation a été faite, et d'où la lumière s'est répandue, et d'où l'islam a régné et a jugé pour la première fois, et d'où se sont répandus les différents avis juridiques des ulama, et notamment la première génération qui sont les compagnons du prophète radiallahu anhu. Donc on va parler maintenant de l'évolution de l'imam Malik en ce qui concerne la science. ظهر نبوغه من صغره رحمه الله ورزقه الله سبحانه وتعالى قلبا واعيا وحافظة قوية وذهنا وقادا وحفظ القرآن الكريم في صغره ثم اتجه إلى حفظ الحديث. Donc dès le début, l'imam Malik, Allah Azza wa Jal lui a donné un cœur qui retenait, qui était un réceptacle pour la science et une grande mémoire. Et il avait aussi un esprit intelligent. Et il a mémorisé le Coran, alors qu'il était petit. Et une fois qu'il a fini la mémorisation du Coran, il s'est orienté vers la mémorisation du hadith. فوجد من بيئته محرضا ومن المدينة موزعا ومشجعا. Donc il a trouvé dans sa famille de quoi l'encourager à ça, parce que c'était une famille religieuse. Et il a trouvé dans la ville de Médine aussi un endroit apte à commencer l'apprentissage du hadith et un encouragement à ça. ولذلك اقترح على أهله أن يذهب إلى مجالس العلماء ليكتب العلم ويدرسه. Donc il a proposé en étant petit à sa famille de se diriger vers les assises des savants pour apprendre la science et pour écrire la science. فذكر لأمه أنه يريد أن يذهب فيكتب العلم. فألبسته أحسن الثياب وعممته ثم قالت اذهب إلى ربيعة فتعلم أدبه قبل علمه. Donc ça, c'est sa mère à qui il a mentionné qu'il voulait apprendre la science et écrire la science. Donc sa mère lui a mis des beaux vêtements et lui a fait mettre un turban et elle lui a dit pars vers Rabi'a. Donc on va voir ensuite qui est Rabi'a, qui était un homme, Et elle lui a dit, va apprendre auprès de lui et apprends son comportement avant de prendre sa science. قال بعض معاصريه رأيت مالكا منذ صباه على استحفاظ ما على استحفاظ ما يكتب عليه أو ما يكتب عليه حتى إنه بعد سماع الدرس يتبع ظلال الأشجار يستعيد ما تلقى ولقد رأته أخته كذلك فذكرته لأبيها فقال لها يا بني إنه يحفظ الحديث أو يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc certains contemporains disaient, j'ai vu l'imam Malik depuis qu'il était petit mémoriser ce qu'on lui dictait. Et après avoir entendu un cours, il allait dans l'ombre des arbres pour répéter ce qu'il avait entendu. Et sa sœur aussi, elle le voyait faire ça et elle en parlait à son père et il lui disait « Oh ma fille, ton frère apprend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Ijtihaduhu fi talab al-ilm. Donc on va voir maintenant les efforts. Donc vous m'excusez si je vais vite parce que comme on a dit, il faut finir ça en une heure. Les efforts de l'imam Malik dans l'étude de la religion. ذكر الإمام مالك كان لي أخ في سن ابن شهاب فألقى أبي يوما علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت فقال لأبي ألهتك الحمام عن طلب العلم. Donc l'imam Malik raconte et dit, j'avais un frère qui était du même âge que Ibn Shihab, c'est-à-dire un des maîtres de l'imam Malik. Donc il était bien plus grand que lui. Il s'appelait An-Nadr. Et il dit, un jour, notre père nous a lancé une question, c'est-à-dire un sujet religieux. Et mon frère a eu raison et moi je me suis trompé. Et mon père m'a dit, le hammam, donc vous connaissez ce que c'est le hammam, donc les salles où on se lave, dans les pays arabes, il dit, le hammam, il t'a détourné de la science. فَرَضِبْتُ وَانْقَطَعْتُ إِلَىٰ أَبِي هُرْمُزْ سَبْعَ سِنِينَ وَفِي رِوَايَةٍ ثَمَانِيَ سِنِينَ لَمْ أَخْلِطُهُ بِغَيْرِهِ وكنت أجعل في كمي تمرا وأناوله صبيانه وأقول لهم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول. Donc il dit, je me suis énervé, je me suis mis en colère une fois que mon père m'a dit ça, et je suis parti chez Ibn Hurmuz et je l'ai collé pendant 7, et dans une autre version il a dit 8 ans. C'est le grand ou le petit? Non, ça c'est l'imam Malik qui raconte. Donc il s'est trompé, il s'est trompé, l'imam, c'est l'imam Malik qui s'est trompé. Et il sait, donc ça l'a mis en colère après que son père il lui a fait une réflexion. Il lui a dit, le hammam, il t'a détourné des études. Et donc ça l'a motivé et il est parti vers Ibn Hurmuz et il s'est attaché à lui pendant 7 ou 8 ans pour apprendre auprès de lui. Il dit, et je mettais dans ma manche des dates que je donnais aux enfants de Ibn Hurmuz. Donc ça peut être les enfants ou ça peut être aussi ses serviteurs. Et je leur disais, si quelqu'un vous demande à propos du shir, dites-lui qu'il est occupé. C'est-à-dire, il faisait ça pour se réserver Ibn Hurmuz. وقال ابن هرمز يوما لجاريته من بالباب فلم ترى إلا مالكا فرجعت فقالت ما ثم إلا ذلك الأشقر تعني مالكا فقال ادعيه فذلك عالم الناس وكان مالك قد اتخذ تبانا محشوا للجلوس على باب ابن هرمز يتقي به برد حجر هناك. Donc Ibn Hurmuz lui-même, donc son cheikh, raconte qu'un jour il a dit à son esclave, donc une jeune fille, qui c'est qui tape à la porte. Elle est partie, elle a dit, c'est ce blondin, c'est-à-dire l'imam Malik. Et il lui a dit donc appelle-le, c'est-à-dire dis-lui de rentrer, car celui-là c'est Alimun Nas, c'est-à-dire c'est le savant des gens. Pourtant il a dit ça, alors que l'imam Malik il était au début de son apprentissage, c'est-à-dire qu'il a vu chez lui qu'il allait devenir un grand savant. Et l'imam Malik avait pris donc un sarwal tubban, c'est-à-dire c'est une genre de sarwal bien, comment on dit, mahchou, c'est-à-dire il est comme, il couvre. C'est-à-dire quand il va s'asseoir dessus, il va être à l'aise, il ne va pas sentir la dureté du sol. Parce qu'il craignait le froid qu'il y avait sur une pierre devant chez Ibn Hurmuz. Ça c'est un détail qu'a raconté Ibn Hurmuz dans cette histoire. وقال أنس ابن عياض جالست ربيعته ومالك يومئذ معنا وما يعرف إلا بمالك أخي النضر ثم ما زال في طلب العلم حتى صرنا نقول النضر أخو مالك. Donc un élève raconte, il dit, une fois j'étais assis chez Rabi'a, donc le cheikh de l'imam Malik, et il y avait l'imam Malik. Et on l'appelait toujours Malik, le frère de Nadr. Parce que son frère, il était connu par rapport à lui dans les étudiants. Et il a dit, il n'a cessé d'apprendre jusqu'à ce qu'après on dise un Nadr, le frère de Malik. C'est son frère maintenant qui était connu pour être le frère de l'imam Malik, et plus l'inverse. وكان الإمام مالك يبذل أقصى جهده في طلب العلم ففي الحر الشديد يخرج في الظهر إلى منزل نافع وهو في البقيع خارج المدينة يترقب خروجه من منزله ثم يصطحبه إلى المسجد حتى إذا استقر نافع واطمأن ألقى عليه أسئلة في الحديث فأخذ عنه حديثا كثيرا وتلقى منه فتاوى ابن عمر. Donc l'imam Malik prodiguait énormément d'efforts donc dans l'apprentissage de la religion. Et il sortait dans la grande chaleur vers le milieu du jour, donc vers l'heure du dhuhr, pour aller dans la maison de Nafi'a. On va voir par la suite aussi qui est Nafi'a, qui habitait près du cimetière d'Al-Baqi'a. Donc le cimetière d'Al-Baqi'a, pour ceux qui sont allés là-bas, pour vous ça vous semble le centre-ville de Médine. Mais pour l'époque c'était l'extérieur de Médine, parce que les villes elles étaient très petites par rapport à maintenant. Donc il sortait et il attendait que Nafi' sorte de chez lui. Et une fois qu'il sortait chez lui, il l'accompagnait jusqu'à la mosquée. Et quand il voyait que Nafi' était posé et qu'il était serein, c'est-à-dire qu'il n'était plus en mouvement, là il commençait à lui poser des questions dans le hadith. Et c'est comme ça qu'il a appris énormément de hadith de Nafi' et il a aussi appris de Nafi' toutes les fatawas ou beaucoup de fatawas de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, puisque Nafi' était le principal élève de Abdullah ibn Umar. قال الإمام مالك كنت آتي نافعا نصف النهار وما تظلني الشجرة من الشمس أتحين خروجه فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أره ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه حتى إذا دخل أقول له كيف قال ابن عمر في كذا وكذا فيجيبني ثم أحبس عنه وكان فيه حدة. Donc là c'est l'imam Malik rahimahullah qui raconte. Il dit, je sortais pour aller voir Nafi' et aucun arbre ne pouvait me protéger du soleil. Parce que c'était l'heure, donc le milieu du jour. Et j'attendais qu'il sorte. Mais quand il sortait, je le laissais un moment, comme si je ne l'avais pas vu. Ensuite, j'allais le voir, je lui disais salam, et ensuite je le laissais encore un moment. Donc ça, c'était la politesse de l'imam Malik avec son cheikh. C'est pas dès qu'il a mis un pied dehors, il l'attrapait et lui casse la tête. Non, il le laissait jusqu'à ce qu'il soit tranquille. Et une fois qu'il entrait à la mosquée, ensuite il lui disait qu'est-ce que Ibn Omar a dit dans ça, dans tel et tel sujet. Et Nafi' lui répondait. Et au bout d'un moment, l'imam Malik arrêtait. Et il disait Nafi', il y avait une certaine dureté chez Nafi'. وَقَالَ كُنْتُ آتِ ابْنُ هُرْمُزْ بُكْرَةً فَمَا أَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى اللَّيْلِ. Il dit aussi j'allais chez Ibn Hurmuz le matin et je ne sortais de chez lui que la nuit. إنه كان حريصا على روايات الزهري. Donc là maintenant il va parler aussi par rapport à son cheikh Az-Zuhri, comme quoi l'imam Malik était assidu à écouter les hadiths de Az-Zuhri. روي عنه أنه قال شهدت العيد فقلت هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب الزهري فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه فسمعته يقول لجاريته انظري من بالباب فنظرت فسمعتها تقول مولاك الأشقر مالك. Donc là c'est Malik lui-même rahimallah qui raconte. Il dit une fois j'étais à la prière de l'Aïd et je me suis dit ce jour-ci Ibn Shihab al-Zuhri va être tout seul. Donc c'était Mohamed Ibn Muslim Ibn Shihab al-Zuhri. Il dit aujourd'hui il va être tout seul. Donc il dit je suis parti de la Musalla pour aller m'asseoir devant sa porte et j'ai entendu qu'il disait à la jeune fille, c'est-à-dire son esclave, regarde qui est à la porte. Elle a regardé et elle lui a dit c'est ce blondin, c'est-à-dire l'imam Malik. قال ادخليه فدخلت فقال ما اراك انصرفت بعد الى منزلك. Donc il dit je suis rentré et Zuhri m'a dit je vois que tu n'es pas encore parti chez toi. قلت لا. قال هل اكلت شيئا؟ قلت لا. Il dit non, je ne suis pas encore parti chez moi. Il lui a dit est-ce que tu as mangé? Il lui a dit non, j'ai pas encore mangé. قال فطعم. قلت لا حاجة لي فيه. Donc il lui a dit mange. Il lui a dit j'ai pas besoin de manger. قال فماذا تريد؟ قلت تحدثني. قال لي هات. Donc il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit je veux des hadiths. Il lui a dit sors, c'est-à-dire sors tes feuilles. فأخرجت الواحي فحدثني أربعين حديثا. Donc il a sorti ses tablettes, et Zuhri lui a raconté 40 hadiths. Faqultu zidni, qala hasbuk, in kunta hafizta hadhihi al-ahadith, fa anta min al-huffaz. Donc il lui a dit 40 hadiths. Et l'imam Malik lui a dit rajoute. Il dit non, ça suffit. Il dit si tu retiens ces 40 hadiths-là, tu fais partie des huffaz. C'est-à-dire des grands savants du hadith, des grands mémorisateurs. Et regardez ce qu'il lui a répondu l'imam Malik. Qultu qad rawaytuha. Il lui a dit moi-même, je l'ai déjà transmis. فجبذ الألواح من يدي ثم قال حدث. Donc Zuhri lui a arraché ses tablettes de ses mains et lui a dit vas-y, répète-les, dis-les. فردها إلي وقال قم فأنت من أوعية العلم. Donc il lui a dit les hadiths, ensuite il lui a rendu ses tablettes et il lui a dit pars, tu fais partie des receptacles, c'est-à-dire des réceptacles, les récipients de la science, les armoires entre guillemets, les réserves de la science. Donc ça c'est alors qu'il était encore un étudiant. Maintenant on va parler de la mémoire de l'imam Malik. Qala rahimahullah. Donc là c'est l'imam Malik qui parle lui-même. Sa ahifdhun nas. Laqad kuntu ati Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwa wal Qasim wa Aba Salama wa Hamidan wa Humaydan wa Saliman wa 'adda jama'atan. فأدور عليهم أسمع من كل واحد الخمسين حديثا إلى المئة ثم أنصرف وقد حفظته كله من غير أن أخلط حديث هذا بحديث هذا. Donc il dit les gens ont une mauvaise mémoire. Il dit moi j'allais voir Saïd ibn al-Musayyib et Urwa et Al-Qasim, Qasim ibn Muhammad et Abu Salama et Humayd et Salim. Donc ça c'était, on appelle ça le Fuqaha al-Sab'a, les sept grands savants de Médine. Et il a cité d'autres savants. Il dit je tournais entre eux et j'écoutais de chacun d'entre eux entre 50 et 100 hadiths. Et quand je partais, j'avais tout retenu sans mélanger les hadiths de celui-ci avec les hadiths de celui-ci. La qadruya anhu annahu qal qadima alayna az-Zuhri fa ataynahu wa ma'ana Rabi'a fa haddathana Nayfan wa 40 hadithan. ثم أتيناه في الغد فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم منه أرأيتم ما حدثتكم به أمس قال له ربيعة ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس قال من هو قال ابن أبي عامر قال هات فحدثته منها 40 فقال ما كنت أظن أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. Donc là il raconte l'imam Malik une autre histoire où il est parti avec Rabi'a, donc son propre cheikh, chez Az-Zuhri. Az-Zuhri leur avait raconté plus de 40 hadiths. Et le lendemain, ils sont repartis. Az-Zuhri leur a dit, qui me répète les hadiths d'hier? Et Rabi'a a montré Malik et a dit, celui-là, il va te répéter les hadiths d'hier. Et il a dit, c'est qui? Il lui a dit, c'est Ibn Abi Amir. Donc il l'a appelé par le nom de qui? Son arrière-grand-père. Ibn Abi Amir. Donc il lui a répété ses hadiths. Et Az-Zuhri lui a dit, je ne pensais pas que quelqu'un mémorisait tout ça à part moi. Donc c'est-à-dire il a reconnu la force de l'imam Malik rahimahullah azza wa jalla. Wa qala Yahya ibn Sa'id kana Malik hafizan wa qala Yahya ibn Ma'in ma ra'aytu ahadan ahfaza li hadith nafsihi minhu wa min Sufyan. Donc Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah disait Malik était un hafiz, c'est-à-dire un grand mémorisateur, et Yahya ibn Ma'in, donc ça ce sont des savants notamment du hadith et aussi de Jarh wa Ta'dil. Yahya ibn Sa'id, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, ça ce sont les savants qui étaient spécialisés à leur époque, dans leur génération, donc c'était bien après l'imam Malik, pour en ce qui concerne Yahya ibn Ma'in, dans en ce qui concerne de distinguer les rapporteurs qui sont fiables et les autres qui ne le sont pas. Et Yahya ibn Ma'in disait, je n'ai jamais vu quelqu'un qui mémorise mieux ses hadiths que Malik et Soufyan. Et Soufyan, donc c'est qui Soufyan? Ibn Uyayna, qui était où? Qui était à Mecca, rahimahullah. Donc qui était lui-même un imam à l'époque de l'imam Malik. Parce qu'il ne faut pas penser quand on lit ce genre de biographie que ça veut dire qu'à l'époque il n'y avait que l'imam Malik. Il y avait énormément d'imams. Mais on peut dire que peut-être l'imam Malik il s'est distingué. Il était au-dessus du lot. Maintenant on va voir les shuyukh, c'est-à-dire les enseignants de l'imam Malik. Donc premièrement, on va voir en tout cas les plus connus, quelques-uns. Rabi'a ibn Abdir Rahman Farrukh, qu'on appelle aussi Rabi'a al-Ray. Donc Rabi'a, et qu'on appelait Rabi'a al-Ray. Al-Ray, qu'est-ce que ça veut dire? L'opinion. On l'appelait l'opinion. Pourquoi? Parce qu'il se basait beaucoup et il était fort dans l'opinion, c'est-à-dire le qiyas, etc., dans le fiqh. كان ثقة ثبتا أحد مفتي المدينة وأدرك جماعة من الصحابة. Donc c'était un ثقة, c'est-à-dire dans le hadith, un rapporteur fiable. Et c'était un des muftis, un des gens de la fatwa à Médine, et il a connu plusieurs parmi les compagnons du prophète. كانت له حلقة للفتوى بالمدينة وكان يجلس إليه وجوه الناس وكان يحصى في مجلسه 40 معتما. Donc il avait une assise pour dire des fatwas dans la ville de Médine. Et ceux qui s'asseyaient chez lui, c'était les gens, des gens connus parmi les étudiants. Et il y avait à peu près 40 personnes dans son assise. قال الخطيب كان فقيها عالما بالفقه والحديث. Donc Al-Khatib al-Baghdad, il disait, c'était un savant dans le fiqh et dans le hadith. قال مالك ذهبت حلاوة الفقه والحديث منذ مات ربيعة. L'imam Malik rahimallah disait à propos de son cheikh, la douceur, c'est-à-dire le délice du fiqh et du hadith, est parti depuis que Rabi'a est mort. مات سنة 136 بالمدينة وروى عنه في الموطأ حديثا يعدونها 12 حديثا ما بين مسند عدده 5 ومرسل عدده 1 وبلاغ عدده 6. Donc il est mort en 136, Rabi'a, et l'imam Malik a rapporté plusieurs hadiths, une douzaine de hadiths de lui dans le Muwatta. Il raconte aussi que l'imam Malik, c'est-à-dire il a influencé l'imam Malik dans un détail, c'est que l'imam Malik il portait des qamis fins, alors que la plupart des étudiants et des savants ils mettaient des qamis rudes, c'est-à-dire pas des très beaux qamis, des qamis épais. Mais l'imam Malik, lui, il aimait bien s'habiller et il mettait des qamis fins et il disait que c'était son cheikh Rabi'a qui s'habillait comme ça. Donc un autre cheikh de l'imam Malik, c'est Abu Daoud Abdurrahman ibn Hormuz al-A'raj, donc qui est connu comme Ibn Hormuz al-Mutawaffa sana 17 wa 100, donc qui est mort en l'an 117. Donc il dit ici wa an ibn Hormuz akhadh Malik al-fiqha kama sarahu wa laqad qalu inna Malikan idha qala ala hadha adrakna ahl al-'ilm bi baladina والأمر عندنا فإنه يريد ربيعة وابن هرمز. Donc Ibn Hormuz, l'imam Malik, on a déjà vu qu'il est resté avec lui dans la première étape de son apprentissage 7 ou 8 ans, et il a pris surtout de lui le fiqh. Et certains fuqaha disent que quand l'imam Malik dit, parce que dans le madhab de l'imam Malik on peut entendre beaucoup cette phrase où il dit on a connu les gens de science de chez nous sur ça, c'est-à-dire sur telle opinion. Certains ont dit, il veut dire par là deux hommes, Ibn Hormuz et Rabi'a. Troisièmement, donc, parmi les shuyukh de l'imam Malik, Nafi' Mawla ibn Umar. Donc Nafi', l'esclave de Abdullah ibn Umar, Abu Abdillah al-Adawi al-Madani. Ahad al-A'lam al-Tabi'in, usira fi ihda al-hurubi bayna al-Muslimin wal-Furs, fa kana min sahmi Abdullah ibn Umar. Donc Nafi', c'est quelqu'un qui avait été fait prisonnier dans une guerre entre les musulmans et les perses. Et il a été distribué en tant qu'esclave à Abdullah ibn Umar. فَلَزِمَهُ مَا يَقْرُبُ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً. Donc bien sûr il s'est converti à l'islam et il est resté avec Abdullah ibn Umar à peu près 30 ans. تَعَلَّمَ خِلَالَهَا الْقُرْآنَ وَالسُنَّةَ. Donc auprès de Abdullah ibn Umar, pendant ces 30 années, il a appris le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez comment Allah Azza wa Jal fait les choses. Il aurait pu mourir et être parmi les gens de l'enfer, mais il a été épargné et c'est devenu un des imams de l'islam. Donc Nafir, il a rapporté d'Ibn Umar, mais pas seulement, il a rapporté aussi d'Abu Huraira, de Aisha, de Salama, donc de la plupart des compagnons qui étaient à Médine. وكان كثير الحديث ثقة ضابطا صحيح الرواية لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه. Donc Nafi', c'était quelqu'un ضابط ثقة, c'est-à-dire il est très fiable dans le hadith et aucune erreur n'a été connue de lui dans tous les rapports qu'il a fait, dans tous les récits de hadith qu'il a fait. قال عبد الله بن عمر لقد من الله علينا بنافع. Et عبد الله بن عمر disait Allah nous a donné un bienfait qui est nafi. Alors que bien sûr nafi, elle serait plus digne à dire ça, mais même عبد الله بن عمر disait ça de son élève qui était nafi. قال مالك بن أنس كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره. Pour montrer la fiabilité de nafi, l'imam Malik disait, quand j'entendais Nafi' répéter les hadiths de Abdullah ibn Omar, ça ne m'importait pas si je ne les entendais pas de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire pour lui, si Nafi' dit Abdullah ibn Omar a dit, il n'y a pas besoin que quelqu'un lui confirme. بَلَغَ نَافِعٌ مَرْتَبَةً رَفِيعَةً مِنَ الْعِلْمِ فَاخْتَارَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَبَعَثَهُ إِلَى مِصْرِ لِيُعَلِّمَهُمُ السُّنَنِ. Donc Nafi' a atteint un haut degré dans la science et à son époque, Omar ibn Abdelaziz l'avait envoyé en Égypte pour enseigner la sunna aux gens. Tufiya Nafi'un rahimahullah bil madinati sana 17 wa 100 ala arrahil aqwal. Donc il est mort en 117 dans la ville de Médine. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah asahhu al-asanid Malikun 'an Nafi'in 'an ibn Omar. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah disait la chaîne de transmission la plus fiable, c'est Malik selon Nafi', selon Ibn Omar, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les différents savants du hadith, que ce soit le Bukhari, Muslim, Yahya ibn Ma'in, al-Bukhari ou d'autres, ils disent pour moi la chaîne la plus fiable c'est une telle. Donc ils ont cité plusieurs chaînes. Donc ça c'est une des chaînes qui a été citée comme étant les chaînes les plus solides. C'est l'avis de al-Bukhari, c'est que la chaîne la plus solide, c'est quand Malik dit selon Nafi', selon Ibn Omar. Parce qu'imaginez-vous les trois personnes. Malik, donc, qui est la référence du hadith dans sa génération, Nafi', dont aucune erreur a été rapportée, et de Abdullah Ibn Omar, un compagnon du prophète. Et l'imam Malik a rapporté un peu plus de 80 hadiths de Nafi' dans le Muwatta. Un autre cheikh, un des plus remarquables, donc de l'imam Malik, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, Abu Bakr al-Madani, min Zuhrat ibn Kilab, min Quraysh. Donc l'imam al-Zuhri, on l'appelle souvent par l'imam al-Zuhri, qui s'appelait Muhammad ibn Muslim ibn Shihab. Ou alors des fois on l'appelle ibn Shihab. Shihab c'était son grand-père. Donc on l'appelait le fils de Shihab, mais sachant que Shihab c'est son grand-père. Et souvent on l'appelait Zuhri. Zuhri c'est une des branches de Quraysh. Donc c'était un Qurashi qui est mort après, donc soit 123, 124 ou 125 de l'Hégire. « Wa huwa muhaddithun yu'addu ra'as al-mudawwinin, luqiba bi'a'lam al-huffaz. » Donc on le considère comme la principale personne à avoir transcrit le hadith. Et on l'a surnommé « A'lam al-huffaz », c'est-à-dire le plus savant des mémorisateurs du hadith. « Intahat ilayhi al-riyasatu fil hadith fi asrihi. » Donc c'était lui la grande référence du hadith à son époque. قال فيه الليث بن سعد فقيه مصر ما رأيت أعلم منه ويعد من صغار التابعين لأنه لقي بعض الصحابة ولكن أكثر أخذه عن التابعين. Donc الليث بن سعد رحمه الله disait, je n'ai pas rencontré plus savant que lui. Sachant que الليث بن سعد c'est à peu près l'équivalent de l'imam Malik, mais à quelle région? En Égypte. Et aussi Az-Zuhri fait partie entre guillemets des petits tabi'in. Quand on dit des petits, c'est pas dans la science, c'est dans la génération, parce qu'il a rencontré que quelques compagnons du prophète et la plupart de ce qu'il a appris, il a appris des tabi'in eux-mêmes. Donc des tabi'in apprennent d'autres tabi'in. C'est comme ça qu'une seule génération se divise en plusieurs générations. ولقد عاصر بعض التابعين ولكنه كان مقدما عليهم وكان عمرو بن دينار وهو من التابعين يقول أي شيء عند الزهري أنا لقيت عمر وابن عباس ولم يلقهما. Donc il était prioritaire vis-à-vis de beaucoup des tabi'in qui étaient eux-mêmes des grands tabi'in, mais il était au-dessus d'eux dans la science. Et on rapporte que Amr ibn Dinar, donc qui était un grand tabi'i de la Mecque, disait qu'est-ce qu'il a de spécial al-Zuhri. Il dit, moi j'ai rencontré Omar, j'ai rencontré Ibn Abbas, et lui il les a pas rencontrés. فَقَدِمَ الزُّهْرِيُّ مَكَّةَ فَقَالَ عَمْرُ إِحْمِلُونِ إِلَيْهِ وَكَانَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ مُقْعَدًا فَحُمِلَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَأْتِ إِلَى أَصْحَابِهِ إِلَّا بَعْدَ لَيْلٍ فَقَالُوا كَيْفَ رَأَيْتَهُ فقال والله ما رأيت مثل هذا القرشي قط. Et quand Zuhri est parti à la Mecque, et Amr ibn Dinar, donc qui avait dit sur Zuhri, qu'est-ce qu'il a de spécial, il a dit, portez-moi jusqu'à lui, parce qu'il était devenu vieux, on devait le porter. Il a dit, portez-moi jusqu'à lui, il veut voir qu'est-ce que c'est, ce Zuhri. Et il est revenu que après la nuit. Donc ses élèves, ils lui ont dit, qu'est-ce que t'en penses, comment tu l'as trouvé? Et il a dit, Wallah, j'ai jamais vu quelqu'un comme ce Qurashi, c'est-à-dire comme Az-Zuhri. On avait vu dans d'autres cours que c'est Zuhri, le premier qui est connu pour avoir mis à écrit la sunna de façon officielle. Sous l'ordre de qui? De Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah. وقد كان مع علمه بالحديث فقيها قد تعلم فقه الفقهاء السبعة من التابعين كما نقلنا عن مالك وقد وصفه في ذلك النقل بأنه بحر العلم وقال فيه أيضا ما له في الناس نظير ولقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن محمد بن نوح جمع فتاواه في ثلاثة أسفار ضخمة مرتبة على أبواب الفقه. Donc en plus du hadith, c'était un grand faqih qui avait pris le fiqh des sept grands fuqaha de Médine, ce qu'on appelle al-fuqaha al-saba'a. Et l'imam Malik l'appelait Bahrul Ain, la mer, M-E-R, de la science. Et il disait qu'il n'a aucun équivalent chez les gens. Et Ibn al-Qayyim, dans un de ses livres, I'lam al-Muwaqqi'in, a rapporté que Muhammad ibn Nuh, donc à ma connaissance, Muhammad ibn Nuh, c'était un imam, c'est celui qui avait été exilé par al-Ma'moun avec l'imam Ahmed, rahimahullah. Il a réuni les fatawas de Az-Zuhri en trois grands volumes. Il avait réuni les fatawas de Zuhri, le fiqh de Zuhri, par chapitre, c'est-à-dire classé par chapitre, les ablutions, la prière, etc., en trois grands volumes. Donc il y a d'autres histoires qui montrent que, on les a déjà vues, qu'à plusieurs occasions, Az-Zuhri avait testé l'imam Malik et qu'il avait reconnu en lui qu'il allait devenir un grand muhaddith. Parmi les autres chouyours de l'imam Malik, il y a Ja'far al-Sadiq, un des descendants d'Ali, donc de Ahlul Bayt, qui est mort en 148, et aussi Muhammad ibn al-Munkadir, qui faisait partie des fuqaha et aussi des qurra, c'est-à-dire des grands savants du Coran. Et l'imam Malik disait à propos de lui, quand je trouve un peu de dureté dans mon cœur, je vais voir ibn al-Munkadir, et je le regarde, et après je me déteste pendant plusieurs jours. C'est-à-dire le fait de voir ce shir, c'était pour lui un rappel. Donc ça c'était ceux qui sont connus, bien sûr il y en a beaucoup plus que ça. Et il faut mentionner, quand on parle des études de l'imam Malik, c'est que l'imam Malik, il a une spécificité par rapport aux autres, quand on lit leur biographie, c'est qu'il n'a jamais voyagé dans Talab al-Ilm. Alors qu'à son époque, c'était une étape primordiale pour celui qui veut devenir un savant, de faire ce qu'on appelle al-rihla, le fait de voyager dans Talab al-Ilm. Et il y a plusieurs causes à ça. C'est premièrement parce qu'il y avait ce qui lui suffisait à Médine, puisqu'il y avait les grands élèves des Sahaba à Médine. Donc il y avait à Médine tout le fiqh de Abdullah ibn Abbas, tout le fiqh de Aisha, tout le fiqh de Abu Huraira, tout le fiqh de Zayd ibn Thabit, tout le fiqh de Omar, tout le fiqh de Abdullah ibn Omar. Et donc c'est amplement suffisant. Même si, ça ne veut pas dire que tout y était, puisqu'il manquait Mu'adh ibn Jabal, qui était au Sham, le fiqh de Abdullah ibn Mas'ud, qui était en Irak, une partie du fiqh d'Ibn Abbas quand il est parti à Mecca, etc. Et aussi parce que l'imam Malik, il voyait que non seulement, donc il hérite de la science de Médine, mais il voyait que ce que pratiquent les gens de Médine, c'est une religion, c'est-à-dire c'est une preuve dans la religion. Donc ça, c'est une des choses qui distingue l'école malikite des autres écoles. C'est ce qu'on appelle Amalu Ahlil Medina. C'est que dans l'école malikite, ce que font les gens de Médine, c'est une preuve. Parmi les preuves du fiqh, avec le Coran, la Sunna, les fatawas des compagnons, le consensus, le qiyas, etc. Bien sûr, avec des conditions, etc. Et donc l'imam Malik voyait que quand il y avait un hadith, il fallait toujours, ou souvent, le comparer avec ce que font les savants de Médine. Et que si les savants de Médine ne le pratiquent pas, alors ils délaissaient ce hadith. Parce qu'ils voyaient que c'était la ville où était l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que donc forcément les gens pratiquaient encore l'héritage du prophète et de ses compagnons. Bien sûr, ça, c'est pas absolu. Et il y a un grand débat entre les partisans de l'imam Malik et les autres fuqaha sur ce sujet. Puisque, comme on l'a dit, les sahaba se sont répandus après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la science, elle s'est répandue avec. Donc, ce que certains pouvaient transmettre au Chem, en Irak, au Yémen, en Égypte, ou alors vers l'Iran, ça pouvait ne pas, ça pouvait avoir été oublié à Médine. C'est à quelle heure, l'Isha? 53. Donc maintenant, après avoir parlé de ces chouyouks, on va parler des élèves de l'imam Malik, dont Al-Zahabi, rahimahullah, a dit, on ne peut pas les compter. Les élèves, ceux qui ont pris la science de l'imam Malik. Et Zarqani disait, il n'y a pas un imam du hadith qui a autant d'élèves comme l'imam Malik. Et certains ont compté ses élèves comme Iyad, et il en a compté plus de 1000 dans un de ses livres. Et il a dit, et ça c'est ceux qui sont connus. Et on en a délaissé beaucoup. Et certains de ses chouyours ont rapporté de lui, comme Az-Zuhri, Ayyub Sirtiyani, Rabi'a et d'autres, ont rapporté de Malik, alors que c'était ses chouyours. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont écouté le hadith de lui et ils l'ont répété par la suite. Ad-Darqutni disait, Rahimahullah, donc je ne connais pas quelqu'un parmi ceux qui sont passés et ceux qui étaient après Malik, qui a réuni tout ce que Malik a réuni. Et il dit, il y a deux hommes qui ont rapporté le même hadith de l'imam Malik entre leur mort et il y a 130 ans de différence. Ces deux hommes, c'est Az-Zuhri, donc le shir de l'imam Malik, qui est mort en 135, en 125, et l'autre c'est Abu Hudhafa Al-Sahmi, qui est mort en 250. Et les deux ont rapporté le même hadith de Al-Furay'a bint Malik, en ce qui concerne le fait que la femme qui est dans sa ida doit rester chez son mari. Donc c'est-à-dire qu'il avait des élèves qui étaient dans la génération d'avant lui, et des élèves qui allaient être les chouyours des générations bien après lui. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a commencé à enseigner tôt, et il a vécu longtemps. Donc il a touché énormément de générations, et il a eu beaucoup d'élèves. Donc on aurait pu aussi parler des élèves de l'imam Malik, mais le temps il ne le permet pas. Maintenant on va parler des éloges qu'on fait sur lui, les savants. قال الشافعي رحمه الله مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين. Donc الشافعي رحمه الله disait, محمد بن إدريس, مالك c'est la preuve d'Allah qui est dressée contre les gens après la génération des tabi'in. وقال يحيى بن سعيد ويحيى بن معين مالك أمير المؤمنين في الحديث. يحيى بن سعيد et يحيى بن معين disaient, مالك c'est أمير المؤمنين, c'est-à-dire c'est le chef des croyants dans le hadith. C'est comme un surnom qu'ils lui ont donné. وزاد ابن معين كان مالك من حجج الله على خلقه إمام من أئمة المسلمين مجمع على فضله. Ibn Ma'in disait donc que c'était une preuve, un argument d'Allah contre les gens, l'imam Malik, et que c'était un imam parmi les imams des musulmans et que tout le monde reconnaissait son mérite. قال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه وإتقانه وصيانته وما أحد آمن علي في علم الله من مالك وجعلت مالكا حجة بيني وبين الله ومالك وابن عيينة القرينان لولاهما لذهب علم الحجاز. Donc là c'est Mohammed al-Shafi'i rahimahullah qui disait, donc le grand imam, quand vous vient le athar, c'est-à-dire le hadith, alors l'imam Malik est une étoile. Et quand les savants sont mentionnés, alors l'imam Malik est l'étoile qui brille, l'étoile flamboyante. Et aucun n'a atteint le stade de l'imam Malik dans la science, car il était un grand mémorisateur et un perfectionniste, al-itqan. Et il était quelqu'un qui avait préservé ce qu'il savait. Et je ne fais confiance à personne autant que je le fais à l'imam Malik. Et j'ai mis l'imam Malik comme argument entre moi et Allah. C'est-à-dire que quand il dit, c'est comme s'il disait, au jour du jugement, si Allah me demande pourquoi j'ai pratiqué telle chose, je pourrais dire, parce que je l'ai tenu, de l'imam Malik, rahimahullah. Et Malik, et Soufiane ibn Uyayna sont qarinan, c'est-à-dire ils sont semblables ou proches l'un de l'autre. Si ce n'était pas eux deux, toute la science de la région du Hijaz serait perdue, c'est-à-dire la région de la Mecque et Médine, si ce n'était Malik et Soufiane ibn Uyayna. والعلم يدور على ثلاثة مالك وابن عيينة والليث. Et pour finir, il disait Al-Shafi'i rahimahullah, la science tourne autour de trois personnes: Malik, Soufiane ibn Uyayna et Al-Layth ibn Sa'd, qui était en Égypte. وكان الأوزاعي إذا ذكر مالكا أو إذا ذكر مالكا قال عالم العلماء وعالم أهل المدينة ومفتي الحرمين. وقال مالك إمام وعالم أهل الحجاز ومالك حجة في زمانه ومالك سراج الأمة إنما كنا نتبع آثار مالك. الأوزاعي qui était de la même génération et au même rang que l'imam Malik rahimahullah, mais qui était au Shem en Syrie, disait, quand il parlait de l'imam Malik, il disait: c'est le savant des savants, c'est le savant des gens de Médine, et c'est le mufti des deux villes saintes, la Mecque et Médine. Et Malik est un imam et c'est le savant de la région du Hijaz, et c'est une preuve à son époque. Et c'est le siraj, c'est-à-dire la lampe, entre guillemets, c'est ce qui éclaire sa génération et la communauté, et nous ne faisons que suivre les traces de Malik. Donc il y a encore beaucoup d'autres paroles des savants que je passe. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. الإمام أحمد disait: si tu vois quelqu'un qui n'aime pas l'imam Malik, sache que c'est un مبتدع, c'est-à-dire c'est un innovateur, c'est un égaré. وقال رجل للشافعي هل رأيت أحدا ممن أدركت مثل مالك؟ فقال سمعت من تقدمنا في السن والعلم يقولون ما رأينا مثل مالك فكيف نرى مثله. L'imam al-Shafi'i rahimahullah, quelqu'un lui a dit: est-ce que tu as déjà vu parmi ceux que tu as connus, c'est-à-dire dans la génération d'avant, quelqu'un comme Malik? Il a dit: ceux que j'ai connus nous disaient, on n'a pas connu dans ceux qu'on a connus quelqu'un comme l'imam Malik. Donc comment nous on va connaître quelqu'un comme lui? C'est-à-dire que déjà la génération, ils lui ont posé la question sur ses maîtres et ses enseignants, et il dit: nos enseignants à nous nous disaient déjà qu'ils n'ont pas connu quelqu'un comme l'imam Malik. Sachant que l'imam al-Shafi'i, lui, a connu Malik. C'était un de ses élèves. Donc ils disent qu'il a appris, c'était quand il était à peine adolescent, je crois, que l'imam al-Shafi'i, il a appris le Muwatta. Il a entendu le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Ensuite, quelques mubashirat, c'est-à-dire des signes qui sont comme des bonnes nouvelles pour l'imam Malik. Donc parmi ces signes, c'est ce qu'a rapporté Ibn Abd al-Barr d'un homme qui a dit: j'étais assis dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'imam Malik, et un homme est venu qu'on ne connaissait pas, et il a dit: qui d'entre vous est Malik Abu Abdillah? Et ils lui ont dit: c'est lui. Et il a dit: l'homme, il est venu, il a salué l'imam Malik et il lui a fait une accolade, et il l'a embrassé entre ses yeux et il a serré contre lui, et il lui a dit: par Allah, j'ai vu la veille le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis à cette place, c'est-à-dire en rêve. Il dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis à cette place, et il a dit: ramenez-moi Malik. Et il dit: on t'a ramené et tes veines qui sont à tes tempes, elles gonflaient, c'est-à-dire comme si tu avais peur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: laysa alayk, c'est-à-dire c'est comme s'il le rassure, et il lui a dit: ya Aba Abdillah. Il l'a appelé par sa kunya, par son surnom, Abu Abdillah. Et il lui a dit: assieds-toi. Et il s'est assis, donc tout ça c'est dans le rêve, et il lui a dit: ouvre, iftah hujrak, c'est-à-dire c'est comme si il lui dit: ouvre ici, ne sois pas comme ça, ouvre-toi. Donc il s'est détendu et il lui a rempli de misk, donc de parfum, de cette matière avec laquelle on fait le parfum, le misk. Et il lui a rempli ici, il lui a rempli le hujr, c'est-à-dire cette région de son corps avec le misk. Et il lui a dit: serre-le contre toi et répands-le dans ma communauté. Donc l'imam Malik, quand il a entendu ça, il a pleuré longuement et il a dit: Ar-ru'ya tusirru wa la tarur. Il a dit: le rêve, ça réjouit, mais ça ne trompe pas. C'est-à-dire, je suis content de ce rêve, mais ça ne va pas me tromper, ça ne va pas faire que je suis imbu de moi-même. Et il a dit, si ton rêve il est vrai, alors ce que tu as vu, c'est la science qu'Allah a déposée chez moi. C'est-à-dire ce parfum, ce musc que le prophète m'a donné, il m'a dit, répands-le, c'est tout simplement la science. Donc comme d'habitude, vous laissez 10 minutes, on va faire encore 10 minutes, on fera l'adhan et l'iqama tout de suite. Donc un autre, Abu Abdillah Mawla al-Lefiyin, disait qu'il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam assis dans la mosquée avec les gens autour de lui, c'est-à-dire en rêve. Et l'imam Malik debout devant lui. Et devant le prophète, il y avait du musc. Et l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait le musc poignée par poignée, c'est-à-dire petit à petit, et il le donnait à Malik. Et Malik, il le donnait aux gens. Donc ça, en fait, qu'est-ce que ça exprime ? Ça exprime la science. La science du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'imam Malik a pris et qu'il a répandu aux gens. Et ça, c'est pour celui qui étudie un peu le hadith, et ça se vérifie dans le sens où l'imam Malik, les ulama, ils disent, les ulama du hadith, que c'est vraiment une référence dans le hadith, dans le sens où une grosse part de la sunna, elle tourne autour de lui. C'est-à-dire une grosse part des hadiths, ils passent par l'imam Malik. C'est lui qui les a transmis. Donc maintenant on va voir quand est-ce que l'imam Malik s'est assis pour enseigner et pour faire la fatwa. Donc l'imam Malik il s'est assis pour la fatwa, ou plutôt pour enseigner alors qu'il était encore jeune. Et il a été rapporté qu'il a commencé les cours à l'âge de 17 ans. Et il ne l'a pas fait avant de consulter les gens de science et les gens de vertu. Et ils ont attesté qu'il était apte à le faire. قال رحمه الله في بيان حاله عندما نزعت نفسه إلى الدرس والفتية. Donc il a dit à propos de lui-même, ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتية جلس. Il disait, ce n'est pas n'importe qui veut s'asseoir dans la mosquée pour dire des hadiths, c'est-à-dire répéter les hadiths, ou pour faire des fatwa qui peut le faire. حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل. Jusqu'à ce qu'il demande conseil aux gens de la vertu. وأهل الجمعة من المسجد et les gens qui viennent au Jumu'ah dans la mosquée. فإن رآه أهلا جلس وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني أهل لذلك. Il dit, jusqu'à ce que les gens lui disent, c'est-à-dire les gens de science, qu'il est apte à le faire. Il dit, moi je ne me suis pas assis avant que 70 sheikhs m'ont dit que je pouvais m'asseoir dans la mosquée pour le faire. Ensuite, il y a une autre histoire avec Ibn al-Qasim, donc un des grands élèves de l'imam Malik, comme quoi un homme il est venu à l'imam Malik lui poser une question. Et Ibn al-Qasim, par précipitation, il lui a répondu. Donc Malik, il s'est mis en colère, il s'est tourné vers lui, il lui a dit, tu oses faire la fatwa ? Et il n'arrêtait pas de lui faire le reproche. Et il dit, moi, je n'ai pas commencé à faire la fatwa avant d'avoir demandé, est-ce que je suis apte à faire la fatwa ? Et une fois qu'il s'est calmé, qu'il n'était plus en colère, les gens ils lui ont dit, c'est qui à qui t'as demandé ça? Et il a dit, Az-Zuhri et Rabi'a. Donc deux imams parmi les imams des Tabi'in. Et l'imam Malik, il avait choisi pour At-Tadris, pour l'enseignement, bien sûr la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais l'endroit où s'asseyait Omar, et qui était l'endroit où s'asseyait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant ça. Et il n'a pas quitté la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'enseignement, si ce n'est après qu'il soit devenu malade. Et là, il commençait à enseigner à la maison. Donc les élèves de son époque, ils rapportent que les gens, c'était une foule qui s'amassait devant la porte de l'imam Malik, rahimahullah, pour venir apprendre auprès de lui. Mais une fois qu'ils étaient assis à l'intérieur, personne ne regardait l'autre et personne ne parlait à l'autre. Et tous ils avaient la tête baissée. Yani, c'était une assise de respect, une assise de calme et une assise de crainte. Parce que l'imam Malik, il était craint. Allah Azza wa Jal a fait qu'il avait l'hiba. Il impressionnait les gens. Et son cercle, c'était devenu le plus grand cercle dans les cercles d'enseignement. Et il était même plus grand, les gens ils étaient plus nombreux que dans les cercles de ses propres professeurs, à l'imam Malik, rahimahullah. A tel point qu'après, il a dû prendre un hajib, quand il enseignait chez lui, c'est-à-dire il prenait quelqu'un qui demande la permission, c'est-à-dire à qui il fallait demander la permission pour entrer, le hajib. Et c'est lui qui filtrait les entrées, entre guillemets, chez l'imam Malik. Et il filtrait pour, c'est-à-dire il laissait entrer al-khassa, c'est-à-dire des élèves proches de l'imam Malik, des élèves particuliers, et après il y avait aussi l'entrée pour les gens pour tous les gens. Donc bien sûr, ça c'est selon quoi ? Selon le niveau. Et certaines personnes y reprochaient à l'imam Malik que ses élèves particuliers, il les mettait toujours proches. Et il les faisait entrer en premier, etc. Et il disait, parce que mes compagnons, c'est-à-dire mes élèves qui sont de Médine, ce sont les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce sont des gens de Médine. C'est pour ça que je les devance parmi les autres. Salam wa rahmatullah. Ensuite, quelle était donc la description de l'assise de l'imam Malik? Donc l'imam Malik, rahimahullah azza wa jal, son assise, elle était pleine de coussins, donc il dispersait pour les gens à droite à gauche. Et c'était une assise pleine de science et pleine de respect et de calme. Et c'était quelqu'un de noble et que les gens, ils étaient devant lui impressionnés. Il avait ce qu'on appelle l'hiba, une grande personnalité. Et dans son assise, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas quelqu'un qui essayait de se montrer et personne qui n'élevait la voix. Quand il demandait, quand on lui posait la question, il répondait tout simplement. Et il disait jamais « Min aina ra'aita hadha » ou « Où t'as vu ça ?» etc. C'est-à-dire, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas d'avis dans l'assise de l'imam Malik. Simplement, les gens lui posaient des questions et il répondait. Et il avait quelqu'un qui s'appelait Habib, qui était celui qui écrivait ses livres. Et c'est lui qui lisait dans l'assise de l'imam Malik. Et quand parfois... quand parfois il se trompait, l'imam Malik, et ça arrivait rarement, l'imam Malik il le corrigeait. Et personne n'osait s'approcher de Habib, et personne n'osait regarder dans le livre de Habib, même pas de l'imam Malik, mais de Habib, par respect pour l'imam Malik, rahimahullah. Et il n'élevait personne et il ne laissait des places à personne en particulier dans son assise. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui se distinguait pour qui l'imam Malik disait « Poussez-vous et laissez-le se mettre là ou laissez-le à telle place. » Il laissait chaque personne, elle rentre et elle s'assoit là « حيث ينتهي المجلس » comme c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire là où il trouve une place, il s'assoit. Il ne disait pas aux gens « C'est un tel, il faut le laisser s'asseoir, etc. etc. » Et il disait avant de commencer le hadith « لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى » comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à quel moment. Avant de faire la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que ceux, ulul ahlam wa nuha, c'est-à-dire les gens qui ont le fiqh et qui sont intelligents, se mettent derrière moi dans la prière. Et l'imam Malik il disait ça dans son assise de hadith. Donc on va s'arrêter là. Qui c'est qui voudrait rester après l'Aïcha si on continue? Levez la main pour voir. Donc on va le continuer, Inch'Allah. Parce que si on fait ça un autre samedi, on n'aura pas rempli le contrat que. Les muhadara du samedi, ça doit être ponctuel. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.